Chrysélidis, première partie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoie. Contes en vers de Charles Perrault. Chrysélidis, nouvelle, première partie. À mademoiselle, en vous offrant jeune et sage beauté, ce modèle de patience, je ne me suis jamais flatté que par vous de tout point il serait imité, s'en serait trop en conscience. Mais Paris, où l'homme est poli, où le beau sexe n'est pour plaire, trouve son bonheur accompli, de tous côtés est si rempli d'exemples du vice contraire, qu'on ne peut en toute saison, pour s'en garder ou s'en défaire, avoir trop de contrepoison. Une dame aussi patiente que celle dont ici je relève le prix serait partout une chose étonnante, mais ce serait un prodige à Paris. Les femmes y sont souveraines, tout s'y règle selon leurs vœux. Enfin, c'est un climat heureux qui n'est habité que de reines. Ainsi, je vois que de toute façon, Chrysélidis y sera peu prisée, et qu'elle y donnera matière de risée, par ses trop antiques leçons. Ce n'est pas que la patience ne soit une vertu des dames de Paris, mais par un long usage elles ont la science de la faire exercer par leur propre mari. Au pied des célèbres montagnes, où le Pô s'échappant de dessous ses roseaux, va dans le sein des prochaines campagnes promener ses naissantes eaux, vivait un jeune et vaillant prince, les délices de la province. Le ciel, en le formant, sur lui tout à la fois versa ce qu'il y a de plus rare, ce qu'entre ses amis d'ordinaire il sépare, et qu'il ne donne qu'au grand roi. Comblé de tous les dons et du corps et de l'âme, il fut robuste, adroit, propre au métier de Mars, et par l'instinct secret d'une divine flamme, avec ardeur il aima les beaux-arts. Il aima les combats, il aima la victoire, les grands projets, les actes valeureux, et tout ce qui fait vivre un beau nom dans l'histoire. Mais son cœur tendre et généreux fut encore plus sensible à la solide gloire de rendre ses peuples heureux. Ce tempérament héroïque fut obscurci d'une sombre vapeur qui, chagrine et mélancolique, lui faisait voir dans le fond de son cœur tout le beau sexe infidèle et trompeur. Dans la femme où brillait le plus rare mérite, il voyait une âme hypocrite, un esprit d'orgueil enivré, un cruel ennemi qui sans cesse n'aspire qu'à prendre un souverain empire sur l'homme malheureux qui lui sera livré. Le fréquent usage du monde, où l'on ne voit qu'époux subjugués ou trahis, joint à l'air jaloux du pays, accrut encore cette haine profonde. Il jura donc plus d'une fois que quand même le ciel pour lui plein de tendresse formerait une autre Lucrèce, jamais de l'Hyménée il ne suivrait les lois. Ainsi, quand le matin qu'il donnait aux affaires, il avait réglé sagement toutes les choses nécessaires au bonheur du gouvernement, que du faible orphelin, de la veuve oppressée, il avait conservé les droits, ou banni quelque impôt qu'une guerre forcée avait introduite autrefois, l'autre moitié de la journée, à la chasse était destinée, où les sangliers et les ours, malgré leur fureur et leurs armes, lui donnaient encore moins d'alarme que le sexe charmant qu'il évitait toujours. Cependant, ces sujets que leur intérêt presse de s'assurer d'un successeur qui les gouverne un jour avec même douceur, à leur donner un fils le conviaient sans cesse. Un jour dans le palais, ils vinrent tous encore pour faire leurs derniers efforts. Un orateur d'une grave apparence, et le meilleur qu'il fût alors, dit tout ce qu'on peut dire en pareille occurrence. Il marqua leur désir pressant de voir sortir du prince une heureuse lignée qui rendit à jamais leur état florissant. Il lui dit même, en finissant, qu'il voyait un astre naissant issu de son chaste Hyménée qui faisait pâlir le croissant. D'un ton plus simple et d'une voix moins forte, le prince à ses sujets répondit de la sorte. « Le zèle ardent, dont je vois qu'en ce jour vous me portez au nœud du mariage, me fait plaisir et met de votre amour un agréable témoignage. J'en suis sensiblement touché et voudrais dès demain pouvoir vous satisfaire. Mais à mon sens, l'hymen est une affaire où plus l'homme est prudent, plus il est empêché. Observez bien toutes les jeunes filles. Tant qu'elles sont au sein de leur famille, ce n'est que vertu, que bonté, que pudeur, que sincérité. Mais sitôt que le mariage au déguisement a mis fin, et qu'ayant fixé leur destin, il n'importe plus d'être sages, elles quittent leur personnage, non sans avoir beaucoup pâti, et chacune dans son ménage, selon son gré, prend son parti. L'une d'humeur chagrine, et que rien ne récrée, devient une dévote outrée, qui crie et gronde à tout moment. L'autre se façonne en coquette, qui sans cesse écoute ou caquette, et n'a jamais assez d'amants. Celle-ci, des beaux-arts follement curieuses, de tout décide avec hauteur, et critiquant le plus habile auteur, prend la forme de précieuse. Cette autre s'érige en joueuse, perd tout, argent, bijoux, bagues, meubles de prix, et même jusqu'à ses habits. Dans la diversité des routes qu'elles tiennent, il n'est qu'une chose où je vois qu'enfin toutes elles conviennent, c'est de vouloir donner la loi. Or, je suis convaincu que dans le mariage, on ne peut jamais vivre heureux quand on y commande tous deux. Si donc vous souhaitez qu'à l'hymen je m'engage, cherchez une jeune beauté sans orgueil et sans vanité, d'une obéissance achevée, d'une patience éprouvée, et qui n'est point de volonté. Je la prendrai quand vous l'aurez trouvée. » Le prince ayant mis fin à ce discours moral, monte brusquement à cheval et court joindre à perte d'haleine sa meute qui l'attend au milieu de la plaine. Après avoir passé des prés et des guérets, il trouve ses chasseurs couchés sur l'herbe verte. Tous se lèvent et tous alertes font trembler de leur corps les hôtes des forêts. Des chiens courant la voyante famille, de ça à de là parmi les chaumes brillent, et les limiers à l'œil ardent, qui du fort de la bête à leur poste reviennent, entraînent en les regardant les forts valets qui les retiennent. S'étant instruit par un des siens, si tout est prêt, si l'on est sur la trace, il ordonne aussitôt qu'on commence la chasse et fait donner le cerf aux chiens. Le son des cors qui retentissent, le bruit des chevaux qui hennissent et des chiens animés les pénétrants abois remplissent la forêt de tumulte et de trouble, et pendant que l'écho sans cesse les redouble, s'enfoncent avec eux dans les plus creux du bois. Le prince, par hasard ou par sa destinée, prit une route détournée où nul des chasseurs ne le suit. Plus il court, plus il s'en sépare. Enfin, à tel point il s'égare que des chiens et des cors il n'entend plus le bruit. L'endroit où le mena sa bizarre aventure, clair de ruisseaux et sombre de verdure, saisissait les esprits d'une secrète horreur. La simple et naïve nature s'y faisait voir, et si belle et si pure que mille fois il bénit son erreur. Rempli des douces rêveries qu'inspirent les grands bois, les eaux et les prairies, il sent soudain frapper, et son cœur et ses yeux, par l'objet le plus agréable, le plus doux et le plus aimable qu'il eût jamais vu sous les cieux. C'était une jeune bergère qui filait au bord d'un ruisseau et qui, conduisant son troupeau d'une main sage et ménagère, tournait son agile fuseau. Elle aurait pu dompter les cœurs les plus sauvages, délice son teint à la blancheur, et sa naturelle fraîcheur s'était toujours sauvée à l'ombre des bocages. Sa bouche de l'enfance avait tout l'agrément, et ses yeux qu'adoucit une brune paupière, plus bleue que n'est le firmament, avaient aussi plus de lumière. Le prince, avec transport dans le bois se glissant, contemple les beautés dont son âme est émue. Mais le bruit qu'il fait en passant, de la belle sur lui fit détourner la vue. Dès qu'elle se vit aperçue, d'un brillant teint carnal à prompte et vive ardeur, de son beau teint redoubla la splendeur, et sur son visage épandu y fit triompher la pudeur. Sous le voile innocent de cette honte aimable, le prince découvrit une simplicité, une douceur, une sincérité dont il croyait le beau sexe incapable et qu'il voit là dans toute leur beauté. Saisi d'une frayeur pour lui toute nouvelle, il s'approche interdit et plus timide qu'elle, lui dit d'une tremblante voix que de tous ses veneurs il a perdu la trace et lui demande si la chasse n'a point passé quelque part dans le bois. « Rien n'a paru, seigneur. » Dans cette solitude, dit-elle, et nul ici que vous seul n'est venu. Mais n'ayez point d'inquiétude, je remettrai vos pas sur un chemin connu. De mon heureuse destinée, je ne puis, lui dit-il, trop rendre grâce aux dieux. Depuis longtemps je fréquente ces lieux, mais j'avais ignoré jusqu'à cette journée ce qu'ils ont de plus précieux. Dans ce temps, elle voit que le prince se baisse sur le moite bord du ruisseau, pour étancher dans le cours de son eau la soif ardente qui le presse. « Seigneur, attendez un moment, » dit-elle, et courant promptement vers sa cabane, elle y prend une tasse qu'avec joie et de bonne grâce, elle présente à ce nouvel amant. Les vases précieux de cristal et d'agate, où l'or en mille endroits éclate, et qu'un art curieux avec soin façonna, n'eurent jamais pour lui, dans leur pompe inutile, tant de beauté que le vase d'argile que la bergère lui donna. Cependant, pour trouver une route facile qui mène le prince à la ville, Il traverse des bois, des rochers escarpés et des torrents entrecoupés. Le prince n'entre point dans de routes nouvelles sans en bien observer tous les lieux d'alentour, et son ingénieux amour, qui songeait au retour, en fit une carte fidèle. Dans un bocage sombre et frais, enfin la bergère le mène, où de dessous ses branchages épais, il voit au loin dans le sein de la plaine les toits dorés de son riche palais. S'étant séparé de la belle, touché d'une vive douleur, à pas lents, il s'éloigne d'elle, chargé du trait qui lui perce le cœur. Le souvenir de sa tendre aventure, avec plaisir, le conduisit chez lui. Mais dès le lendemain, il sentit sa blessure, et se vit accablé de tristesse et d'ennui. Dès qu'il le peut, il retourne à la chasse, où de sa suite, adroitement, il s'échappe et se débarrasse pour s'égarer heureusement. Des arbres et des monts, les cimes élevées, qu'avec grand soin il avait observées, et les avis secrets de son fidèle amour, le guidèrent si bien que malgré les traverses de 100 routes diverses, de sa jeune bergère il trouva le séjour. Il sut qu'elle n'a plus que son père avec elle, que Griselidis on l'appelle, qu'ils vivent doucement du lait de leurs brebis, et que de leur toison, qu'elle seule elle file, sans avoir recours à la ville, ils font eux-mêmes leurs habits. Plus il la voit, plus il s'enflamme des vives beautés de son âme. Il connaît en voyant tant de dons précieux que si la bergère est si belle, c'est qu'une légère étincelle de l'esprit qui l'anime a passé dans ses yeux. Il ressent une joie extrême d'avoir si bien placé ses premières amours. Ainsi, sans plus tarder, il fit dès le jour même assembler son conseil et lui tint ce discours. « Enfin, aux lois de l'Hyménée, suivant vos vœux, je me vais engager. Je ne prends point ma femme en pays étranger. Je la prends parmi vous, belle, sage, bien née, ainsi que mes aïeux ont fait plus d'une fois. Mais j'attendrai cette grande journée à vous informer de mon choix. » Dès que la nouvelle fut sue, partout elle fut répandue. On ne peut dire avec combien d'ardeur l'allégresse publique de tous côtés s'explique. Le plus content fut l'orateur, qui par son discours pathétique croyait d'un si grand bien être l'unique auteur, qu'il se trouvait homme de conséquence. « Rien ne peut résister à la grande éloquence, » disait-il sans cesse en son cœur. Le plaisir fut de voir le travail inutile des belles de toute la ville pour s'attirer et mériter le choix du prince leur seigneur, qu'un air chaste et modeste charmait uniquement, et plus que tout le reste, ainsi qu'il l'avait dit 100 fois. D'habits et de maintien, toutes elles changèrent, d'un ton dévot elles toussèrent, elles radoucirent leur voix, de demi-pieds leurs coiffures baissèrent, la gorge se couvrit, les manches s'allongèrent, à peine on leur voyait le petit bout de doigt. Dans la ville, avec diligence, pour l'hymen dont le jour s'avance, on voit travailler tous les arts. Ici se font de magnifiques chars, d'une forme toute nouvelle, si beaux et si bien inventés, que l'or qui partout étincelle en fait la moindre des beautés. Là, pour voir aisément et sans aucun obstacle toute la pompe du spectacle, on dresse de longs échafauds. Ici de grands arcs triomphaux, où du prince guerrier se célèbre la gloire, et de l'amour sur lui l'éclatante victoire. Là sont forgés d'un art industrieux ces feux qui, par les coups d'un innocent tonnerre, en effrayant la terre, de 1000 astres nouveaux embellissent les cieux. Là d'un ballet ingénieux se concerte avec soin l'agréable folie, et là d'un opéra peuplé de 1000 dieux le plus beau que jamais ait produit l'Italie, on entend répéter les airs mélodieux. Enfin, du fameux Hyménée arriva la grande journée. Sur le fond d'un ciel vif et pur, à peine l'aurore vermeille confondait l'or avec l'azur, que partout en sursaut le beau sexe s'éveille. Le peuple curieux s'épand de tous côtés. En différents endroits, des gardes sont postés pour contenir la populace et la contraindre à faire place. Tout le palais retentit de clairons, de flûtes, de hautbois, de rustiques musettes, et l'on n'entend aux environs que des tambours et des trompettes. Enfin le prince sort entouré de sa cour, il s'élève un long cri de joie, mais on est bien surpris quand au premier détour de la forêt prochaine on voit qu'il prend la voie, ainsi qu'il faisait chaque jour. « Voilà, dit-on, son penchant qui l'emporte, et de ses passions en dépit de l'amour, la chasse est toujours la plus forte. » Il traverse rapidement les guérets de la plaine, et gagnant la montagne, il entre dans le bois au grand étonnement de la troupe qui l'accompagne. Après avoir passé par différents détours que son cœur amoureux se plaît à reconnaître, il trouve enfin la cabane champêtre où logent ses tendres amours. Griselidis, de l'hymen informé, par la voix de la renommée, en avait pris son bel habillement, et pour en aller voir la pompe magnifique, de dessous sa case rustique sortait en ce même moment. Où courez-vous si prompte et si légère ? Lui dit le prince en l'abordant et tendrement la regardant. Cessez de vous hâter, trop aimable bergère. La noce où vous allez, et dont je suis l'époux, ne saurait se faire sans vous. Oui, je vous aime et je vous ai choisi entre mille jeunes beautés pour passer avec vous le reste de ma vie, si toutefois mes vœux ne sont pas rejetés. Ah, dit-elle, seigneur, je n'ai garde de croire que je sois destinée à ce comble de gloire. Vous cherchez à vous divertir ? Non, non, dit-il, je suis sincère. J'ai déjà pour moi votre père. Le prince avait eu soin de l'en faire avertir. Daignez, bergère, y consentir, c'est là tout ce qui reste à faire. Mais afin qu'entre nous une solide paix éternellement se maintienne, il faudrait me jurer que vous n'aurez jamais d'autre volonté que la mienne. « Je le jure, dit-elle, et je vous le promets, si j'avais épousé le moindre du village, j'obéirais, son joug me serait doux. Hélas, combien donc d'avantages si je viens à trouver en vous et mon seigneur et mon époux ?» Ainsi le prince se déclare, et pendant que la cour applaudit à son choix, il porte la bergère à souffrir qu'on la pare des ornements qu'on donne aux épouses des rois. Celle qu'à cet emploi leur devoir intéresse, entre dans la cabane et là, diligemment, mettent tout leur savoir et toute leur adresse à donner de la grâce à chaque ajustement. Dans cette hutte où l'on se presse, les dames admirent sans cesse avec quel art la pauvreté s'y cache sous la propreté, et cette rustique cabane que couvre et rafraîchit un spacieux platane leur semble un séjour enchanté. Enfin de ce réduit sort pompeuse et brillante la bergère charmante. Ce ne sont qu'applaudissements sur sa beauté, sur ses habillements. Mais sous cette pompe étrangère, déjà plus d'une fois le prince a regretté des ornements de la bergère l'innocente simplicité. Sur un grand char d'or et d'ivoire, la bergère s'assied pleine de majesté. Le prince y monte avec fierté et ne trouve pas moins de gloire à se voir comme amante assise à son côté qu'à marcher en triomphe après une victoire. La cour les suit et tous gardent le rang que leur donne leur charge ou l'éclat de leur sang. La ville, dans les champs presque toutes sorties, couvrait les plaines d'alentour et du choix du prince averti, avec impatience attendait son retour. Il paraît, on le joint, parmi l'épaisse foule du peuple qui se fend le char à peine roule. Par les longs cris de joie, tout coup redoublés, les chevaux émus et troublés se cabrent, trépignent, s'élancent et reculent plus qu'ils n'avancent. Dans le temple, on arrive enfin. Et là, par la chaîne éternelle d'une promesse solennelle, les deux époux unissent leur destin. Ensuite, au palais, ils se rendent, où mille plaisirs les attendent, où la danse, les jeux, les courses, les tournois répandent l'allégresse en différents endroits. Sur le soir, le blond Hyménée, de ses chastes douceurs, couronna la journée. Fin de la première partie de Griselidis. Griselidis, deuxième partie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoie. Contes en vers de Charles Perrault. Griselidis, nouvelle, deuxième partie. Le lendemain, les différents états de toute la province accourent haranguer la princesse et le prince par la voix de leur magistrat. De ces dames environnées, Griselidis, sans paraître étonnée, en princesse les entendit, en princesse leur répondit. Elle fit toute chose avec tant de prudence qu'il sembla que le ciel eût versé ses trésors avec encore plus d'abondance sur son âme que sur son corps. Par son esprit, par ses vives lumières, du grand monde aussitôt elle prit les manières, et même dès le premier jour, des talents, de l'humeur des dames de sa cour, elle se fit si bien instruire que son bon sens, jamais embarrassé, eut moins de peine à les conduire que ses brebis du temps passé. Avant la fin de l'an, des fruits de l'Hyménée, le ciel bénit leur couche fortunée. Ce ne fut pas un prince, on l'eût bien souhaité, mais la jeune princesse avait tant de beauté que l'on ne songea plus qu'à conserver sa vie. Le père, qui lui trouve un air doux et charmant, la venait voir de moment en moment, et la mère encore plus ravie la regardait incessamment. Elle voulut la nourrir elle-même. « Ah, dit-elle, comment m'exempter de l'emploi que ces cris demandent de moi sans une ingratitude extrême? Par un motif de nature ennemie, pourrais-je bien vouloir de mon enfant que j'aime n'être la mère qu'à demi? Soit que le prince eût l'âme un peu moins enflammée qu'au premier jour de son ardeur, soit que de sa maligne humeur la masse se fût rallumée, et de son épaisse fumée eût obscurci ses sens et corrompu son cœur,

comme quand un épais nuage a le jour obscurci et que le ciel de toutes parts noirci menace d'un affreux orage, si de ce voile obscur par les vents écartés un brillant rayon de clarté se répand sur le paysage, tout rit et reprend sa beauté. Telle, dans tous les yeux où régnait la tristesse, éclate tout à coup une vive allégresse. Par ce prompt éclaircissement, la jeune princesse, ravie d'apprendre que du prince elle a reçu la vie, se jette à ses genoux qu'elle embrasse ardemment. Son père, qu'attendrit une fille si chère, la relève, la baise et l'amène à sa mère, à qui trop de plaisir en un même moment ôtait presque tout sentiment. Son cœur, qui tant de fois en proie aux plus cuisants traits du malheur, supporta si bien la douleur, succombe au doux poids de la joie. À peine de ses bras pouvait-elle serrer l'aimable enfant que le ciel lui renvoie, elle ne pouvait que pleurer. « Assez, dans d'autres temps vous pourrez satisfaire, lui dit le prince, aux tendresses du sang. Reprenez les habits qu'exige votre rang, nous avons des noces à faire. » Au temple on conduisit les deux jeunes amants, où la mutuelle promesse de se chérir avec tendresse affermit pour jamais leurs doux engagements. Ce ne sont que plaisirs, que tournois magnifiques, que jeux, que danses, que musique et que festins délicieux, où sur Griselidis se tournent tous les yeux, où sa patience éprouvée jusqu'aux cieux est élevée par mille éloges glorieux. Des peuples réjouis la complaisance est telle pour leur prince capricieux, qu'ils vont jusqu'à louer son épreuve cruelle, à qui d'une vertu si belle, si séante au beau sexe et si rare en tout lieu, on doit un si parfait modèle. Fin de la deuxième partie de Griselidis. À monsieur, en lui envoyant Griselidis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoie. Contes en vers de Charles Perrault. À monsieur, en lui envoyant Griselidis. Si je m'étais rendu à tous les différents avis qui m'ont été donnés sur l'ouvrage que je vous envoie, il n'y serait rien demeuré que le conte tout sec et tout uni, et en ce cas j'aurais mieux fait de n'y pas toucher et de le laisser dans son papier bleu où il est depuis tant d'années. Je le lus d'abord à deux de mes amis. « Pourquoi, dit l'un, s'étendre si fort sur le caractère de votre héros? Qu'a-t-on à faire de savoir ce qu'il faisait le matin dans son conseil, et moins encore à quoi il se divertissait l'après-dîner? Tout cela est bon à retrancher. Ôtez-moi, je vous prie, dit l'autre, la réponse enjouée qu'il fait aux députés de son peuple qui le pressent de se marier. Elle ne convient point à un prince grave et sérieux. Vous voulez bien encore, poursuivit-il, que je vous conseille de supprimer la longue description de votre chasse? Qu'importe tout cela au fond de votre histoire? Croyez-moi, ce sont de vains et ambitieux ornements qui appauvrissent votre poème au lieu de l'enrichir. Il en est de même, ajouta-t-il, des préparatifs qu'on fait pour le mariage du prince. Tout cela est oiseux et inutile. Pour vos dames qui rabaissent leur coiffure, qui couvrent leur gorge et qui allongent leurs manches, froide plaisanterie aussi bien que celle de l'orateur qui s'applaudit de son éloquence. Je demande encore, reprit celui qui avait parlé le premier, que vous ôtiez les réflexions chrétiennes de Griselidis, qui dit que c'est Dieu qui veut l'éprouver. C'est un sermon hors de sa place. Je ne saurais encore souffrir les inhumanités de votre prince. Elles me mettent en colère. Je les supprimerai. Il est vrai qu'elles sont de l'histoire, mais il n'importe. J'ôterai encore l'épisode du jeune seigneur qui n'est là que pour épouser la jeune princesse. Cela allonge trop votre conte. Mais, lui dis-je, le conte finirait mal sans cela. Je ne saurais que vous dire, répondit-il. Je ne laisserai pas que de l'ôter. À quelques jours de là, je fis la même lecture à deux autres de mes amis, qui ne me dirent pas un seul mot sur les endroits dont je viens de parler, mais qui en reprirent quantité d'autres. Bien loin de me plaindre de la rigueur de votre critique, leur dis-je, je me plains de ce qu'elle n'est pas assez sévère. Vous m'avez passé une infinité d'endroits que l'on trouve très dignes de censure. Comme quoi, dirent-ils, on trouve, leur dis-je, que le caractère du prince est trop étendu, et qu'on n'a que faire de savoir ce qu'il faisait le matin et encore moins l'après-dîner. On se moque de vous, dirent-ils tous deux ensemble, quand on vous fait de semblables critiques. On blâme, poursuivis-je, la réponse que fait le prince à ceux qui le pressent de se marier, comme trop enjoué et indigne d'un prince grave et sérieux. « Bon, reprit l'un d'eux, et où est l'inconvénient qu'un jeune prince d'Italie, pays où l'on est accoutumé à voir les hommes les plus graves et les plus élevés en dignité dire des plaisanteries, et qui d'ailleurs fait profession de mal parler et des femmes et du mariage, matière si sujette à la raillerie, se soit un peu réjoui sur cet article ?»« Quoi qu'il en soit, je vous demande grâce pour cet endroit, comme pour celui de l'orateur qui croyait avoir converti le prince, et pour le rabaissement des coiffures. Car ceux qui n'ont pas aimé la réponse enjouée du prince ont bien la mine d'avoir fait main basse sur ces deux endroits-là. Vous l'avez deviné, lui dis-je. Mais d'un autre côté, ceux qui n'aiment que les choses plaisantes n'ont pu souffrir les réflexions chrétiennes de la princesse qui dit que c'est Dieu qui la veut éprouver. Ils prétendent que c'est un sermon hors de propos. « Hors de propos ?» reprit l'autre. « Non seulement ces réflexions conviennent au sujet, mais elles y sont absolument nécessaires. Vous aviez besoin de rendre croyable la patience de votre héroïne, et quel autre moyen aviez-vous que de lui faire regarder les mauvais traitements de son époux comme venant de la main de Dieu ? Sans cela, on la prendrait pour la plus stupide de toutes les femmes, ce qui ne ferait pas assurément un bon effet. » « On blâme encore, leur dis-je, l'épisode du jeune seigneur qui épouse la princesse. » « On a tort, reprit-il, comme votre ouvrage est un véritable poème, quoique vous lui donniez le titre de nouvelle, il faut qu'il n'y ait rien à désirer quand il finit. Cependant, si la jeune princesse s'en retournait dans son couvent sans être mariée après s'y être attendue, elle ne serait point contente, ni ceux qui liraient la nouvelle. » Ensuite de cette conférence, j'ai pris le parti de laisser mon ouvrage tel à peu près qu'il a été lu dans l'académie. En un mot, j'ai eu soin de corriger les choses qu'on m'a fait voir être mauvaises en elles-mêmes, mais à l'égard de celles que j'ai trouvées n'avoir point d'autre défaut que de n'être pas au goût de quelques personnes peut-être un peu trop délicates, j'ai cru n'y devoir pas toucher. Est-ce une raison décisive d'ôter un bon mets d'un repas, parce qu'il s'y trouve un convive qui par malheur ne l'aime pas? Il faut que tout le monde vive, et que les mets pour plaire à tous soient différents comme les goûts. Quoi qu'il en soit, j'ai cru devoir m'en remettre au public qui juge toujours bien. J'apprendrai de lui ce que j'en dois croire, et je suivrai exactement tous ses avis, s'il m'arrive jamais de faire une seconde édition de cet ouvrage. » Fin de « À monsieur » en lui envoyant Griselidis. Peau d'âne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoi. Contes en vers de Charles Perrault. Peau d'âne, conte. À Madame la Marquise de Le... Il est des gens de qui l'esprit guindé, sous un front jamais déridé, ne souffre, n'approuve et n'estime que le pompeux et le sublime. Pour moi, j'ose poser en fait qu'en de certains moments l'esprit le plus parfait peut aimer sans rougir jusqu'aux marionnettes, et qu'il est des temps et des lieux où le grave et le sérieux ne valent pas d'agréables sornettes. Pourquoi faut-il s'émerveiller que la raison la mieux sensée, lasse souvent de trop veiller, par des contes d'ogres et de fées ingénieusement bercés, prennent plaisir à sommeiller. Sans craindre donc qu'on me condamne de mal employer mon loisir, je vais, pour contenter votre juste désir, vous conter tout au long l'histoire de Peau d'âne. Il était une fois un roi, le plus grand qui fut sur la terre, aimable en paix, terrible en guerre, seul enfin comparable à soi. Ses voisins le craignaient, ses états étaient calmes, et l'on voyait de toutes parts fleurir à l'ombre de ses palmes et les vertus et les beaux-arts. Son aimable moitié, sa compagne fidèle, était si charmante et si belle, avait l'esprit si commode et si doux, qu'il était encore avec elle moins heureux roi qu'heureux époux. De leur tendre et chaste hyménée, plein de douceur et d'agrément, avec tant de vertus une fille était née, qu'il se consolait aisément de n'avoir pas de plus ample lignée. Dans son vaste et riche palais, ce n'était que magnificence. Partout y fourmillait une vive abondance de courtisans et de valets. Il avait dans son écurie grands et petits chevaux de toutes les façons, couverts de beaux caparaçons, roides d'or et de broderies. Mais ce qui surprenait tout le monde en entrant, c'est qu'au lieu le plus apparent, un maître âne étalait ses deux grandes oreilles. Cette injustice vous surprend, mais lorsque vous saurez ses vertus non pareilles, vous ne trouverez pas que l'honneur fût trop grand. Tel et si net le forma la nature, qu'il ne faisait jamais d'ordure, mais bien beaux écus au soleil et louis de toute manière, qu'on allait recueillir sur la blonde litière tous les matins à son réveil. Or le ciel, qui parfois se lasse de rendre les hommes contents, qui toujours assez bien mêle quelques disgrâces, ainsi que la pluie au beau temps, permit qu'une âpre maladie, tout à coup de la reine attaqua les beaux jours. Partout on cherche du secours, mais ni la faculté qui le grec étudie, ni les charlatans ayant cours, ne purent tous ensemble arrêter l'incendie que la fièvre allumait en s'augmentant toujours. Arrivée à sa dernière heure, elle dit au roi son époux : «

mais elle demanda qu'avant que de paraître devant son seigneur et son maître, on lui donnât le temps de prendre un autre habit. De cet habit, pour la vérité dire, de tous côtés on s'apprêtait à rire. Mais lorsqu'elle arriva dans les appartements et qu'elle eut traversé les salles avec ses pompeux vêtements dont les riches beautés n'eurent jamais d'égal, que ses aimables cheveux blonds mêlés de diamants dont la vive lumière en faisait autant de rayons, que ses yeux bleus grands, doux et longs, qui pleins d'une majesté fière ne regardent jamais sans plaire et sans blesser, et que sa taille enfin si menue et si fine qu'avec ses deux mains on eût pu l'embrasser, montrèrent leurs appas et leurs grâces divines, des dames de la cour et de leurs ornements tombèrent tous les agréments. Dans la joie et le bruit de toute l'assemblée, le bon roi ne se sentait pas de voir sa bru posséder tant d'appas. La reine en était affolée, et le prince, son cher amant, de cent plaisirs l'âme comblée, succombait sous le poids de son ravissement. Pour l'hymen aussitôt chacun prit ses mesures. Le monarque en pria tous les rois d'alentour, qui tous brillants de diverses parures, quittèrent leurs états pour être à ce grand jour. On en vit arriver des climats de l'aurore, montés sur de grands éléphants. Il en vint du rivage mort, qui, plus noirs et plus laids encore, faisaient peur aux petits enfants. Enfin, de tous les coins du monde, il en débarque et la cour en abonde. Mais nul prince, nul potentat n'y parut avec tant d'éclat que le père de l'épousée, qui, dès l'autre fois amoureux, avait avec le temps purifié les feux dont son âme était embrasée. Il en avait banni tout désir criminel, et de cette odieuse flamme, le peu qui restait dans son âme n'en rendait que plus vif son amour paternel. Dès qu'il la vit, « Que béni soit le ciel qui veut bien que je te revoie, ma chère enfant !» dit-il, et tout pleurant de joie, courut tendrement l'embrasser. Chacun à son bonheur voulut s'intéresser, et le futur époux était ravi d'apprendre que d'un roi si puissant il devenait le gendre. Dans ce moment, la marraine arriva qui raconta toute l'histoire, et par son récit acheva de combler peau d'âne de gloire. Il n'est pas malaisé de voir que le but de ce conte est qu'un enfant apprenne qu'il vaut mieux s'exposer à la plus rude peine que de manquer à son devoir, que la vertu peut être infortunée, mais qu'elle est toujours couronnée, que contre un fol amour et ses fougueux transports, la raison la plus forte est une faible digue, et qu'il n'est point de si riche trésor dont un amant ne soit prodigue, que de l'eau claire et du pain bis suffisent pour la nourriture de toute jeune créature, pourvu qu'elle ait de beaux habits, que sous le ciel il n'est point de femelle qui ne s'imagine être belle, et qui souvent ne s'imagine encore que si des trois beautés la fameuse querelle s'était démêlée avec elle, elle aurait eu la pomme d'or. Le conte de Peau d'âne est difficile à croire, mais tant que dans le monde on aura des enfants, des mères et des mères grands, on en gardera la mémoire. Fin de Peau d'âne. Les souhaits ridicules. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoa. Contes en vers de Charles Perrault. Les souhaits ridicules. Conte. À Mademoiselle de la Queue. Si vous étiez moins raisonnable, je me garderais bien de venir vous conter la folle et peu galante fable que je m'en vais vous débiter. Une aune de boudin en fournit la matière. Une aune de boudin, ma chère? Quelle pitié! C'est une horreur! S'écriait une précieuse, qui, toujours tendre et sérieuse, ne veut ouïr parler que d'affaires de cœur. Mais vous qui, mieux qu'âme qui vive, savez charmer en racontant, et dont l'expression est toujours si naïve que l'on croit voir ce qu'on entend, qui savez que c'est la manière dont quelque chose est inventé, qui beaucoup plus que la matière de tout récit fait la beauté, vous aimerez ma fable et sa moralité. J'en ai, j'ose le dire, une assurance entière. Il était une fois un pauvre bûcheron qui, las de sa pénible vie, avait, disait-il, grande envie de s'aller reposer au bord de l'Achéron, représentant dans sa douleur profonde que depuis qu'il était au monde, le ciel cruel n'avait jamais voulu remplir un seul de ses souhaits. Un jour, que dans le bois, il se mit à se plaindre, à lui la foudre en main, Jupiter s'apparut. On aurait peine à bien dépeindre la peur que le bonhomme en eut. « Je ne veux rien, dit-il, en se jetant par terre. Point de souhait, point de tonnerre. Seigneur, demeurons but à but. Cesse d'avoir aucune crainte. Je viens, dit Jupiter, touché de ta complainte, te faire voir le tort que tu me fais. Écoute donc. Je te promets, moi qui du monde entier suis le souverain maître, d'exaucer pleinement les trois premiers souhaits que tu voudras former sur quoi que ce puisse être. Vois ce qui peut te rendre heureux. Vois ce qui peut te satisfaire. Et comme ton bonheur dépend tout de tes vœux, songes-y bien avant que de les faire. » À ces mots, Jupiter dans les cieux remonta, et le gai bûcheron, embrassant sa falourde pour retourner chez lui sur son dos, la jeta. Cette charge jamais ne lui parut moins lourde. « Il ne faut pas, disait-il entre-temps, dans tout ceci rien faire à la légère. Il faut, le cas est important, en prendre avis de notre ménagère. »« Ça, dit-il en entrant sous son toit de fougère, faisons, Fanchon, grand feu, grand cher, nous sommes riches à jamais et nous n'avons qu'à faire des souhaits. » Là-dessus, tout au long, le fait il lui raconte. À ce récit, l'épouse vive et prompte forma dans son esprit mille vastes projets. Mais considérant l'importance de s'y conduire avec prudence, « Blaise, mon cher ami, dit-elle à son époux, ne gâtons rien par notre impatience. Examinons bien entre nous ce qu'il faut faire en pareille occurrence. Remettons à demain notre premier souhait et consultons notre chevet. » « Je l'entends bien ainsi, dit le bonhomme Blaise, mais va tirer du vin derrière ces fagots. » À son retour, il but et goûtant à son aise, près d'un grand feu la douceur du repos, il dit, en s'appuyant sur le dos de sa chaise, « Pendant que nous avons une si bonne braise, qu'une aune de boudin viendrait bien à propos. » À peine acheva-t-il de prononcer ces mots, que sa femme aperçut, grandement étonnée, un boudin fort long qui, partant d'un des coins de la cheminée, s'approchait d'elle en serpentant. Elle fit un cri dans l'instant, mais jugeant que cette aventure avait pour cause le souhait que par bêtise toute pure son homme imprudente avait fait, il n'est point de pouille et d'injure que de dépit et de courroux, elle le dit au pauvre époux. « Quand on peut, disait-elle, obtenir un empire, de l'or, des perles, des rubis, des diamants, de beaux habits, est-ce alors du boudin qu'il faut que l'on désire ?»« Eh bien, j'ai tort, dit-il, j'ai mal placé mon choix, j'ai commis une faute énorme, je ferai mieux une autre fois. »« Bon, bon, dit-elle, attendez-moi sous l'orme, pour faire un tel souhait, il faut être bien bœuf. » L'époux, plus d'une fois, emporté de colère, pense à faire tout bas le souhait d'être veuf, et peut-être, entre nous, ne pouvait-il mieux faire. « Les hommes, disait-il, pour souffrir sont bien-né. Peste soit du boudin et du boudin encore, plût à Dieu, maudite pécore, qu'il te pendit au bout du nez. » La prière aussitôt du ciel fut écoutée, et dès que le mari la parole lâcha, au nez de l'épouse irritée l'aune de boudin s'attacha. Ce prodige imprévu grandement le fâcha. Fanchon était joli, elle avait bonne grâce, et pour dire sans fard la vérité du fait, cet ornement en cette place ne faisait pas un bon effet. Si ce n'est qu'en pendant sur le bas du visage, il l'empêchait de parler aisément, pour un époux merveilleux avantage, et si grand qu'il pensa dans cet heureux moment ne souhaiter rien davantage. « Je pourrais bien, disait-il à part soi, après un malheur si funeste, avec le souhait qui me reste, tout d'un plein saut me faire roi. Rien n'égale, il est vrai, la grandeur souveraine, mais encore faut-il songer comment sera faite la reine, et dans quelle douleur ce serait la plongée de l'aller placer sur un trône avec un nez plus long qu'une aune. Il faut l'écouter sur cela, et qu'elle-même, elle soit la maîtresse de devenir une grande princesse en conservant l'horrible nez qu'elle a, ou de demeurer bûcheronne, avec un nez comme une autre personne, et telle qu'elle l'avait avant ce malheur-là. La chose bien examinée, quoiqu'elle sût d'un sceptre et la force et l'effet, et que, quand on est couronné, on a toujours le nez bien fait, comme au désir de plaire il n'est rien qui ne cède, elle aima mieux garder son bas-volet que d'être reine et d'être laide. Ainsi, le bûcheron ne changea point d'état, ne devint point grand potentat, d'écus ne remplit point sa bourse, trop heureux d'employer le souhait qui restait, faible bonheur, pauvre ressource, à remettre sa femme en l'état qu'elle était. Bien est donc vrai qu'aux hommes misérables, aveugles, imprudents, inquiets, variables, pas n'appartient de faire des souhaits, et que peu d'entre eux sont capables de bien user des dons que le ciel leur a faits. Fin des souhaits ridicules, fin des contes en vers.